qui prouve à suffisance que tu n'es jamais sans agir et il n'agit jamais sans accomplir. Il s'appelle Je suis. Alléluia. C'est pas une histoire classée dans le temps, mais bien une page d'espoir qui s'écrit au présent. Il dit à mon cabrin, ne fus, moi je suis. Il avait dit à Moïse, va le dire, je suis mon roi. Il avait écrit avant de naître, il a été avant le temps. David a vu sa gloire, il l'appela Seigneur. Il est l'ancien des jours, il est âgé de l'éternité. Il est sorti du sein de peine de l'univers. Il est l'alpha et l'oméga, il vit toujours. Il s'appelle Je suis Jésus. Je suis Jésus, oh Seigneur, le maître de tous les hommes, et son nom est le plus grand de tous les noms, oh Jésus, il est parfait dans tout ce qu'il fait. L'expression de la vie qui se conjugue toujours au présent. La plénitude de Dieu est visible en lui. Il est l'incarnation de l'éternité dans le temps. Il s'appelle Je suis Jésus. Je suis Jésus, oh Seigneur, le maître de tous les hommes, et son nom est le plus beau de tous les noms, oh Jésus, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Changer ma vie. Les noms des hommes n'ont pas. solution à mes problèmes. Mais quand j'ai connu ton nom, Seigneur, ma vie a changé. J'ai connu la paix, j'ai connu la joie qu'aucun homme ne pouvait donner, qu'aucun nom ne pouvait apporter. Seigneur, j'élève ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Que le nom de Jésus, ce nom travers duquel j'ai eu la vie, soit éternellement élevé. Sois loué, Seigneur.